Jérémie chapitre 7. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel, en disant, tiens-toi debout à la porte de la maison de l'Éternel, et écris cette parole, et dis, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, amendez vos voies et vos actions, et je vous ferai habiter en ce lieu-ci. Ne vous fiez point sur des paroles trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Mais amendez sérieusement vos voies et vos actions, et appliquez-vous à faire droit à ceux qui plaident l'un contre l'autre. Et ne faites point de tort à l'étranger, ni à l'orphelin, ni à la veuve, et ne répandez point en ce lieu si le sang innocent, et ne marchez point après les dieux étrangers, à votre ruine. Et je vous ferai habiter depuis un siècle jusqu'à l'autre siècle en ce lieu-ci, au pays que j'ai donné à vos pères. Voici, vous vous fiez sur des paroles trompeuses, sans aucun profit. Ne dérobez-vous pas? Ne tuez-vous pas? Ne commettez-vous pas adultère? Ne jurez-vous pas faussement? Ne faites-vous pas des encensements à Baal? N'allez-vous pas après les dieux étrangers, que vous ne connaissez point? Toutefois vous venez, et vous vous présentez devant moi dans cette maison, sur laquelle mon nom est réclamé, et vous dites, nous avons été délivrés pour faire toutes ces abominations. Cette maison, sur laquelle mon nom est réclamé devant vos yeux, n'est-elle pas devenue une caverne de brigands? Et voici, moi-même je l'ai vue, dit l'Éternel. Mais elle est maintenant à mon lieu, qui était à Silo, là où j'avais placé mon nom dès le commencement, et regardez ce que je lui ai fait, à cause de la malice de mon peuple d'Israël. Maintenant donc, parce que vous faites toutes ces choses-là, dit l'Éternel, et que je vous ai parlé, me levant dès le matin, et parlant, et que vous n'avez point écouté, je vous ai appelé, et vous n'avez point répondu. Je ferai à cette maison, sur laquelle mon nom est réclamé, et sur laquelle vous vous fiez, et à ce lieu que je vous ai donné à vous et à vos pères, comme j'ai fait à Silo. Et je vous chasserai de devant ma face, comme j'ai chassé tous vos frères, avec toute la postérité d'Ephraïm. Toi donc, ne prie point pour ce peuple, et ne jette point de cris, et ne fais point de requêtes pour eux, et n'intercède point envers moi, car je ne t'exaucerai point. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem? Les fils amassent le bois, et les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux, et pour faire des aspersions aux dieux étrangers, afin de m'irriter. Ce qui m'irrite, est-il contre moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas contre eux-mêmes, à la confusion de leur face? C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, ma colère et ma fureur vont fondre sur ce lieu-ci, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur le fruit de la terre, ma colère s'embrasera, et ne s'éteindra point. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai point donné de commandement touchant les holocaustes et les sacrifices, au jour que je les fis sortir du pays d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé, disant, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et marchez dans toutes les voies que je vous ai ordonnées, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont point écouté, et n'ont point incliné leur oreille, mais ils ont suivi d'autres conseils, et la dureté de leur cœur mauvais, ils se sont éloignés, et ne sont point retournés jusqu'à moi. Depuis le jour que vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs prophètes, me levant chaque jour dès le matin, et les envoyant. Mais ils ne m'ont point écouté, et ils n'ont point incliné leur oreille, mais ils ont raidi leur cou, ils ont fait pis que leur père. Tu leur diras donc toutes ces paroles, mais ils ne t'écouteront point, et tu crieras après eux, mais ils ne te répondront point. C'est pourquoi tu leur diras, c'est ici la nation qui n'a point écouté la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui n'a point reçu d'instruction, la fidélité est périe, et elle a été retranchée de leur bouche. Ton ta chevelure, ô Jérusalem, et la jette au loin, et prononce à haute voix ta complainte sur les lieux élevés, car l'Éternel a rejeté et abandonné la génération contre laquelle il est fort courroucé. Parce que les enfants de Juda ont fait ce qui me déplaît, dit l'Éternel, Ils ont mis leurs abominations dans cette maison, sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Et ils ont bâti les hauts lieux de Tophet, qui est dans la vallée du fils d'Hinnom, pour brûler leurs fils et leurs filles au feu, ce que je n'ai pas commandé, et à quoi je n'ai jamais pensé. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, qu'elle ne sera plus appelée Tophet, ni la vallée du fils d'Hinnom, mais la vallée de la tuerie, et on ensevelira les morts à Tophet, à cause qu'il n'y aura plus d'autre lieu. Et les corps morts de ce peuple, seront pour viande aux oiseaux des cieux, et aux bêtes de la terre, sans qu'il y ait personne qui les effarouche. Je ferai aussi cesser des villes de Juda, et des rues de Jérusalem, la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, car le pays sera mis en désolation.